Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 61. De la nécessité des sacrements. Nécessité des sacrements. Elle ne date que du péché. Nécessité des sacrements sous la loi ancienne. Nécessité des sacrements sous la loi nouvelle. 1. Les sacrements sont-ils nécessaires? La nécessité des sacrements pour le salut de l'homme se fonde sur trois raisons. L'une est prise des conditions de notre nature, laquelle est ainsi faite que le monde corporel et sensible nous conduit aux choses spirituelles et intelligibles. La Providence, qui pourvoit aux besoins des êtres d'une manière analogue à leur nature, c'est évidemment montré sage en nous donnant, sous certains signes corporels et sensibles, appelés sacrements, les secours nécessaires à notre salut. La seconde raison se déduit de l'état actuel des hommes, qui, par le péché, sont devenus dépendants des choses corporelles, auxquelles ils se sont attachés. Ici encore, Dieu s'est montré sage et bon en leur proposant des remèdes spirituels sous des signes sensibles, car, livrés à leur sens, ils n'auraient pu saisir les choses purement spirituelles. La troisième raison découle de notre activité, qui se porte de préférence vers les corps, de peur de nous imposer un trop dur sacrifice en nous forçant de renoncer entièrement aux actes corporels. Dieu nous en a proposé dans les sacrements de très propres à nous faire contracter l'habitude salutaire d'éviter la superstition et toutes les actions coupables. On le voit, les sacrements étaient nécessaires pour nous instruire au moyen des choses sensibles, pour nous humilier en nous faisant connaître notre assujettissement aux êtres corporels, et pour nous préserver du péché par de salutaires exercices. Note. La grâce est la cause suffisante de notre salut, mais Dieu nous la donne de la manière qui nous convient. Les sacrements nous appliquent la passion du Christ, conformément à cette parole de l'apôtre, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés dans sa mort. Romains 6:3. Fin de la note. 2. Les sacrements étaient-ils nécessaires avant le péché? Ceux qui se portent bien n'ont pas besoin du médecin. Matthieu 9:12. Il suit de cette parole que les sacrements, qui sont des médecines instituées contre les maux du péché, n'étaient pas nécessaires dans l'état d'innocence. En effet, avant le péché, tout était parfaitement réglé. Les puissances supérieures de l'âme dominaient les puissances inférieures, l'âme était soumise à Dieu, et le corps à l'âme. Il eût été contraire à un tel ordre que, soit pour la science, soit pour la grâce, une chose corporelle eût perfectionné l'âme, comme le font les sacrements. Alors les sacrements n'étaient nécessaires, ni comme remède du péché, ni comme moyen de perfection pour l'homme. Note. La grâce, dans l'état d'innocence, était donnée d'une manière invisible, et non par des signes sensibles. Fin de la note. 3. Après le péché, dut-il exister des sacrements avant le Christ? Depuis la chute d'Adam, nul ne saurait être sanctifié autrement que par le Christ. Il fallut, nécessairement, après le péché, certains signes visibles par lesquels on put manifester sa foi au Rédempteur futur. Ces signes, nous les avons appelés sacrements. Il est évident dès lors qu'il dut exister quelques sacrements avant Jésus-Christ. Note. Les sacrements anciens étaient les signes de la passion du Christ. Avant Moïse, l'usage de sacrements déterminés n'était pas imposé à l'homme, il le fut par la loi écrite, dans laquelle il fallait préciser davantage l'objet de la foi, plus explicitement connu avec le progrès des âges. Fin de la note. 4. Devait-il exister des sacrements après le Christ? Les sacrements de l'ancienne loi, dit saint Augustin, ont été supprimés le jour où ils étaient accomplis. D'autres, d'une vertu supérieure et d'une plus grande utilité, d'un usage plus facile et d'un nombre plus restreint, leur ont été substitués. Comme les patriarches ont été sauvés par la foi au Christ qui devait venir, ainsi nous le sommes par la foi au Christ qui est venu et qui a souffert. Si les sacrements sont des signes au moyen desquels l'homme confesse la foi qui le justifie, il faut nécessairement que, dans la loi nouvelle, à la place de ceux qui figuraient anciennement les mystères futurs, il y en ait d'autres qui signifient les mystères accomplis dans le Christ. Note. On ne doit pas en conclure qu'un changement se soit produit dans la volonté de Dieu. Un père de famille n'a pas une volonté changeante, parce qu'il donne à ses enfants des ordres différents, suivant la convenance des saisons. Les anciens sacrements figuraient par avance la grâce que les nouveaux nous montrent comme présente. Markendanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.